Ainsi se termine votre nuit rêvée, Serge Klarsfeld, nuit rêvée que nous vous avons proposée à l'occasion de la très belle exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 9 septembre prochain au Mémorial de la Shoah à Paris. Elle s'intitule « Béate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire 1968-1978 » et retrace votre parcours, vos luttes avec votre femme pour la justice, pour la mémoire. C'est une exposition passionnante. Le commissaire en est Olivier Lalieu et je précise qu'elle est gratuite, l'accès au Mémorial. Et gratuit, je ne saurais trop recommander à nos auditeurs de s'y précipiter. Grâce à vous, cette nuit, Serge Klarsfeld, on a pu entendre les voix de Claude Lanzmann dans un entretien à voix nue au micro de Laura Adler en 2005. On a écouté une émission de Marc Kravetz consacrée à la guerre des six jours, guerre que vous avez vécue. Vous étiez en Israël à ce moment-là, vous nous le racontiez tout à l'heure. On a écouté une évocation de la vie et l'œuvre d'Arthur Koestler. C'était pour réplique dans une émission de 2005. Et puis, votre passion pour l'Italie a été à l'honneur. On a écouté une émission sur Casanova, une autre sur Fabrice Del Dongo, le personnage de la chartreuse de Parme. Hommage a été rendu au boxeur Marcel Cerdan, l'un des héros de votre jeunesse, dans une édition spéciale du journal de 1959. On a écouté la voix de votre ancien professeur, Julien Gracq, au micro de Jean Dev en 1977, la voix de la cantatrice Kirsten Flagstadt dans Un jeu de Louis en 1995, et bien sûr, celle de votre femme, la femme de votre vie, Beate Klarsfeld, dans deux entretiens menés par Katharina von Bülow sur notre antenne, c'était en 2002. Serge Klarsfeld, dans cette exposition au Mémorial de la Shoah, on peut voir un film dans lequel vous témoignez, dans lequel témoignent des membres de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, association que vous avez fondée, et l'un de ses membres de la première heure, Claude Borourberg, raconte les combats que vous avez menés ensemble, notamment pour faire juger les anciens criminels nazis restés impunis après-guerre. Et il dit « Ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce qu'on était heureux, malgré la tragédie qui vous avait atteint les uns et les autres, la disparition de vos plus proches. » Il dit que le combat, la lutte, vous donnait la pêche, au fond, je reprends son expression. Et c'est vrai que ce qui ressort de cette exposition, comme de la lecture de vos mémoires, ce qui se retrouve aussi, je crois, dans le choix de vos archives cette nuit, c'est une forme de vitalité assez extraordinaire. Est-ce que agir, c'était aussi une façon de ne pas céder à la tristesse tout au long de ces années. Oui, mais nous avons été heureux, Claude Borourberg et moi, nous avons perdu notre père seulement. Mais d'autres qui ont perdu leur père et leur mère ont eu un choc beaucoup plus profond que nous parce qu'ils se sont retrouvés tout seuls dans la vie. Et moi, j'ai eu l'affection de ma mère, Claude aussi a eu l'affection de sa mère, et c'est très différent. Je n'ai pas été malheureux, mon père m'a manqué beaucoup, c'est vrai, mais je n'ai pas été très malheureux alors que d'autres qui voient mourir leurs parents, moi j'ai pas vu mourir mon père, il est mort jour après jour parce qu'il n'est pas revenu. Mais ensuite, j'ai trouvé, comme vous avez dit, la femme de ma vie et les enfants. Et puis, une action qui correspondait à un destin, celui des orphelins de la déportation, et une action qui a été positive, changer la mémoire de Vichy, faire juger les bourreaux qui avaient organisé la solution finale en France... écrire des livres d'histoire, c'était ma passion, et finalement, je suis historien, j'ai fait mon doctorat aussi d'histoire, l'habilitation à diriger les recherches en histoire. Donc ça ne m'a pas apporté du malheur, parce que j'ai réagi. D'autres, malheureusement, que je connais, n'ont pas réagi, sont malheureux, et justement, une des tâches de la communauté juive est de s'occuper des survivants de la Shoah, qui n'ont pas réagi et qui sont malheureux à tout point de vue. Merci beaucoup Serge Klarsfeld d'avoir été avec nous tout au long de cette nuit et nous avoir proposé ce choix d'émission. En plus de cette exposition qu'on peut voir au Mémorial de la Shoah, je recommande à nos auditeurs de se plonger dans les mémoires que vous avez écrites avec votre femme Beate. Elles étaient parues chez Fayard Flammarion en 2015 et sont désormais également disponibles en livre de poche. Toutes les émissions que vous avez pu entendre au cours de cette nuit sont quant à elles écoutables, téléchargeables sur notre site franceculture.fr à la page des nuits. C'était donc La nuit rêvée de Serge Klarsfeld par Mathilde Wagman, attachée d'émission Hassan Mbechou, réalisation Virginie Mourté, prise de son Antoine Pitiloni. Et puis on va se quitter à l'écoute d'un morceau d'un compositeur qui vous est cher, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est Mozart. On écoute l'Allegro du concerto numéro 23 en La majeure, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction d'Itzvan Kertész.